La David Martin 1855. Le quatrième livre de Moïse dit les nombres. Nombre chapitre 1. Or l'Éternel parla à Moïse, au désert de Sinaï, dans le tabernacle d'assignation, le premier jour du second mois de la seconde année, après qu'ils furent sortis du pays d'Égypte, en disant. Faites le dénombrement de toute l'assemblée des enfants d'Israël, selon leurs familles, selon les maisons de leurs pères, en les comptant nom par nom, savoir, tous les mâles, chacun par tête. Depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux d'Israël qui peuvent aller à la guerre, vous les compterez suivant leurs troupes, toi et Aaron. Et il y aura avec vous un homme de chaque tribu, savoir, celui qui est le chef de la maison de ses pères. Et ce sont ici les noms de ces hommes qui vous assisteront, pour la tribu de Ruban, Elitsur, fils de Sédéur. Pour celle de Siméon, c'est Lumiel, fils de Tsurizadaï. Pour celle de Juda, Nasson, fils de Aminadab. Pour celle d'Issachar, Nathanaël, fils de Tsuar. Pour celle de Zabulon, Eliab, fils d'Élon. Des enfants de Joseph, pour la tribu d'Ephraïm, Elisama, fils de Amu. Pour celle de Manassé, Gamaliel, fils de Pédatsur. Pour la tribu de Benjamin, Abidan, fils de Guidoni. Pour celle de Dan, Aïezé, fils de Amizadaï. Pour celle de Zé, Pagiel, fils de Ocran. Pour celle de Ga, Eliasaph, fils de Deuel. Pour celle de Nephtali, Aïra, fils d'Enan. C'était là ceux qu'on appelait pour tenir l'assemblée, ils étaient les principaux des tribus de leur père, chefs des milliers d'Israël. Alors Moïse et Aaron prirent ces hommes-là, qui avaient été nommés par leur nom. Et ils convoquèrent toute l'assemblée le premier jour du second mois, et on enregistra chacun selon leur famille et selon la maison de leur père, les enregistrant, nom par nom, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, chacun par tête. Comme l'Éternel avait commandé à Moïse, il les dénombra au désert de Sinaï. Les enfants donc de Ruban, premier-né d'Israël, selon leur génération, leur famille et les maisons de leur père, dont on fit le dénombrement par leur nom et par tête, savoir, tous les mâles de l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux qui pouvaient aller à la guerre. Ceux, dis-je, de la tribu de Ruban qui furent dénombrés, furent 46 500. Des enfants de Siméon, selon leur génération, leur famille et les maisons de leur père, ceux qui furent dénombrés par leur nom et par tête, savoir, tous les mâles de l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux qui pouvaient aller à la guerre. Ceux, dis-je, de la tribu de Siméon qui furent dénombrés, furent 59 300. Des enfants de Ga, selon leur génération, leur famille et les maisons de leur père, dénombrés chacun par leur nom, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux qui pouvaient aller à la guerre. Ceux, dis-je, de la tribu de Ga qui furent dénombrés, furent 45 650. Des enfants de Juda, selon leur génération, leur famille et les maisons de leur père, dénombrés chacun par leur nom, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux qui pouvaient aller à la guerre. Ceux, dis-je, de la tribu de Juda qui furent dénombrés, furent 74 600. Des enfants d'Issachar, selon leur génération, leur famille et les maisons de leur père, dénombrés chacun par leur nom, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux qui pouvaient aller à la guerre. Ceux, dis-je, de la tribu d'Issachar qui furent dénombrés, furent 54 400. Des enfants de Zabulon, selon leur génération, leur famille et les maisons de leur père, dénombrés chacun par leur nom, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux qui pouvaient aller à la guerre. Ceux, dis-je, de la tribu de Zabulon qui furent dénombrés, furent 57 400. Quant aux enfants de Joseph, les enfants d'Éphraïm, selon leur génération, leur famille et les maisons de leur père, dénombrés chacun par leur nom, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux qui pouvaient aller à la guerre. Ceux, dis-je, de la tribu d'Éphraïm qui furent dénombrés, furent 40 500. Des enfants de Manassé, selon leur génération, leur famille et les maisons de leur père, dénombrés chacun par leur nom, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux qui pouvaient aller à la guerre. Ceux, dis-je, de la tribu de Manassé qui furent dénombrés, furent 32 200. Des enfants de Benjamin, selon leur génération, leur famille et les maisons de leur père, dénombrés chacun par leur nom, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux qui pouvaient aller à la guerre. Ceux, dis-je, de la tribu de Benjamin qui furent dénombrés, furent 35 400. Des enfants de Dan, selon leur génération, leur famille et les maisons de leur père, dénombrés chacun par leur nom, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux qui pouvaient aller à la guerre. Ceux, dis-je, de la tribu de Dan qui furent dénombrés, furent 62 700. Des enfants d'Azé, selon leur génération, leur famille et les maisons de leur père, dénombrés chacun par leur nom, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux qui pouvaient aller à la guerre. Ceux, dis-je, de la tribu d'Azé qui furent dénombrés, furent 41 500. Des enfants de Nephtali, selon leur génération, leur famille, et les maisons de leur père, dénombrés chacun par leur nom, depuis l'âge de 20 ans, et au-dessus, tous ceux qui pouvaient aller à la guerre. Ceux, dis-je, de la tribu de Nephtali qui furent dénombrés, furent 53 400. Ce sont là ceux dont Moïse et Aaron firent le dénombrement, les 12 principaux d'entre les enfants d'Israël y étant, un pour chaque maison de leur père. Ainsi tous ceux des enfants d'Israël, dont on fit le dénombrement selon les maisons de leur père, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux d'entre les Israélites, qui pouvaient aller à la guerre. Tous ceux, dis-je, dont on fit le dénombrement, furent 603 550. Mais les Lévites ne furent point dénombrés avec eux selon la tribu de leur père. Car l'Éternel avait parlé à Moïse, en disant, « Tu ne feras aucun dénombrement de la tribu de Lévi, et tu n'enlèveras point la somme avec les autres enfants d'Israël. Mais tu donneras aux Lévites la charge du pavillon du témoignage, et de tous ses ustensiles, et de tout ce qui lui appartient, ils porteront le pavillon et tous ses ustensiles, ils y serviront, et camperont autour du pavillon. Et quand le pavillon partira, les Lévites le désassembleront, et quand le pavillon campera, ils le dresseront. Que si quelque étranger en approche, on le fera mourir. Or les enfants d'Israël camperont chacun en son quartier, et chacun sous son enseigne, selon leurs troupes. Mais les Lévites camperont autour du pavillon du témoignage, afin qu'il n'y ait point d'indignation sur l'assemblée des enfants d'Israël, et ils prendront en leur charge, le pavillon du témoignage. Et les enfants d'Israël firent selon toutes les choses que l'Éternel avait commandées à Moïse, ils le firent ainsi.